Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigor, éditeur, 1913. La mort, qui décide à la fois du jugement particulier, du jugement général et de l'éternité. L'oraison préparatoire est toujours la même. Premier prélude. Je me figurerai que je suis sur mon lit de mort, et je me représenterai toutes les circonstances de mes derniers moments. Second prélude. Je demanderai à Dieu la grâce d'être vivement frappé de la pensée de la mort, afin de commencer à vivre maintenant comme je voudrais alors avoir vécu, et de mériter une fin précieuse devant lui. Seigneur, éclairez mes yeux, de peur que je ne m'endorme un jour dans la mort, et que mon ennemi ne dise, j'ai prévalu contre lui. Psaume 12, 4. Premier point. Idée et notion de la mort. Qu'est-ce que mourir? Je l'ai souvent entendu dire, j'en ai souvent été le témoin, je ne l'ai peut-être jamais compris. Job me l'enseigne, lorsque l'homme est mort, est dépouillé, et consumé, je vous le demande, où est-il, Job, 14, 10. Mourir dit donc trois choses. Premièrement, un dépouillement absolu, universel, éternel de toutes choses. Deuxièmement, la résolution du corps en pourriture, en poussière, et presque néant dans le tombeau. Troisièmement, le passage de l'âme à une autre vie, éternellement heureuse ou éternellement malheureuse. Quelle sera-t-elle pour moi? C'est un mystère. Voilà ce que je méditerai avec crainte, ce que je considérerai avec tremblement, ce que je regarderai comme devant m'arriver certainement à moi et à tous les hommes. Voilà surtout ce que je m'efforcerai d'exécuter spirituellement en moi, afin de pouvoir dire avec l'apôtre, « Je meurs chaque jour », 1 Corinthiens 15, 31, à tout et à moi-même. Second point, certitude de la mort. La mort est-elle certaine? Oui, rien de plus certain. Premièrement, la foi me l'enseigne. Il est arrêté que les hommes meurent, Hébreux 9, 27, tous, sans aucune exception. Deuxièmement, la raison m'en convainc, tout composé d'éléments contraires doit enfin se dissoudre. C'est une loi générale de la nature, ce qui a reçu l'existence par voie de génération est sujet à la corruption. Troisièmement, l'expérience le confirme, je dis l'expérience constante de tous les siècles, comme celle de tous les jours, qui d'entre les hommes a évité la mort? Quatrièmement, nous avons en nous une réponse de mort, 2 Corinthiens 1:9, et cette faiblesse naturelle, que nous sentons et que nous portons avec nous-mêmes, nous avertit que nous avons contracté en naissant l'obligation de mourir. La nécessité ou la certitude de la mort ne m'est-elle pas évidente? Puis-je me refuser à tant de raisons, à de si puissants témoignages? Pourquoi donc me comporter comme si je devais toujours vivre, comme si je ne devais jamais mourir? Il est temps enfin d'être conséquent. Je veux que désormais ma conduite soit conforme à ma croyance. Je veux me dépouiller de toute affection désordonnée aux créatures et à moi-même, je veux pouvoir répéter avec vérité ces paroles de Saint Paul, « Je meurs chaque jour ». Troisième point, incertitude des circonstances de la mort. Autant il est certain que je mourrai, autant il est incertain quand, où, comment, en quel état je mourrai. Quand, sera-ce aujourd'hui? Ou demain dans 10 jours, ou dans 10 ans? Dieu le sait, je l'ignore. Où, ici ou ailleurs dans ma patrie ou dans un pays étranger, dans un lieu habité ou désert? Dieu le sait, je l'ignore. comment, de mort naturelle ou violente, de maladie ou de vieillesse subitement ou avec le temps de me reconnaître, Dieu le sait, je l'ignore. Enfin, en quel état, en état de grâce ou de péché, de ferveur ou de tiédeur, avec ou sans le secours des sacrements, encore une fois, je l'ignore, Dieu seul le sait. Quelle conclusion tirer de tout ceci? Celle que Jésus-Christ lui-même me suggère. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Le jour, l'heure me sont cachés, afin que je sois prêt tous les jours, à toute heure. Et vous, soyez donc prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, 40. Jésus-Christ ne dit pas, préparez-vous, mais, soyez prêts. Eh bien, suis-je prêt? Et si je ne le suis pas aujourd'hui, comment le serai-je demain? Demain est un jour incertain, et j'ignore si je serai demain. Quatrième point, on ne meurt qu'une fois. La mort est un tribunal sans appel. Combien de fois mourrai-je? Une seule fois. Si je meurs bien cette fois, tout est gagné. Si je meurs mal cette fois, tout est perdu sans ressources. Au midi ou vers l'aquilon, de quelque côté que l'arbre tombe, il restera. Ecclésiaste 11:3. Le moment de la mort est un moment décisif, d'où dépend l'éternité, heureuse ou malheureuse. Se sauver ou se perdre une fois, c'est se sauver ou se perdre pour toujours. Si je pouvais mourir plusieurs fois, deux fois au moins, je pourrais la seconde fois mourir mieux que la première, je pourrais me repentir d'être mort en état de péché, comme on se repent d'avoir mené une vie coupable. Mais, puisqu'il est absolument certain que je ne mourrai qu'une seule fois, il ne faut rien négliger pour bien mourir cette fois. Conclusion. Premièrement, bien vivre, c'est-à-dire vivre chrétiennement selon mon état, la mort est l'écho de la vie. Deuxièmement, demander souvent et avec instance la grâce d'une bonne mort, par l'intercession de la très sainte Vierge, en récitant la salutation angélique. Troisièmement, penser souvent à la mort comme prochaine, comme pouvant me surprendre à chaque instant. Quatrièmement, examiner fréquemment si je voudrais mourir dans l'état où je suis. Cinquièmement, enfin, faire pendant la vie ce que je voudrais avoir fait à l'heure de la mort. Colloque. À Jésus-Christ mourant sur la croix. Autant il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, Hébreux 10, 31, autant il est consolant de tomber entre les mains d'un Dieu mourant, et mourant pour moi. Pater, Ave. Remarque. On comprend tout ce que la méditation de la mort acquiert de force, lorsqu'elle vient après celle des autres grandes vérités, et spécialement après celle de l'enfer. Car on sait assez qu'il faut mourir, et l'on s'y résigne, la mort est une loi commune, il faut la subir. L'homme dénué des biens de la fortune redoute moins la mort, l'homme qui souffre la désire, l'impie avoue que le temps est court, et il en conclut qu'il faut se hâter de jouir des biens présents. Sagesse 2, 6. Mais s'il est vrai qu'après la mort, qui peut se présenter à toute heure, il y a un jugement, un enfer, une éternité, tout change de face. C'est alors que la mort devient pour moi ce moment dont parle l'apôtre, ce clin d'œil, Corinthiens 15, 52, qui décide de mon sort éternel, la porte du ciel ou de l'enfer. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial,